Chapitre 121e, Catalepsie. André ne s'affaissa point, ainsi que nous avons dit tout d'un coup, mais avec des gradations que nous allons essayer de décrire. Seul, abandonné, saisi de ce froid intérieur qui succède à toutes les furieuses secousses du système nerveux, André commença bientôt à chanceler et à tressaillir comme au début d'une attaque d'épilepsie. Gilbert était toujours là, raide, immobile, penché en avant, et la courant du regard. Mais pour Gilbert, on le comprend bien, pour Gilbert, ignorant les phénomènes magnétiques, il n'y avait ni sommeil, ni violence subie. Il n'avait rien ou presque rien entendu de son dialogue avec Balsamo. Pour la seconde fois seulement, à Trianon comme à Tavernet, André paraissait avoir obéi à l'appel de cet homme qui avait pris sur elle une si terrible et si étrange influence. Pour Gilbert, enfin, tout se résumait dans ces mots. Mademoiselle André a sinon un amant, du moins un homme qu'elle aime et avec lequel elle a des rendez-vous la nuit. Le dialogue qui avait eu lieu entre André et Balsamo, quoique prononcé à voix basse, avait eu tous les semblants d'une querelle. Balsamo, fuyant, insensé, éperdu, semblait un amant au désespoir. André, demeuré seul, immobile, muette, semblait une amante abandonnée. Ce fut en ce moment qu'il vit la jeune fille vaciller, se tordre les bras et tourner sur elle-même. Puis elle poussa deux ou trois râlements sourds qui déchirèrent sa poitrine oppressée. Elle s'efforça, ou plutôt la nature s'efforça de rejeter au dehors cette masse mal pondérée de fluide qui lui avait donné pendant le sommeil magnétique cette double vue dont nous avons dans le chapitre précédent vu se manifester les phénomènes. Mais la nature fut vaincue, mais André ne put réussir à secouer ce reste de volonté oublié sur elle par Balsamo. Elle ne put dénouer ces liens mystérieux, inextricables, qu'il avait carottés tout entière. Et à force de lutter, elle entra dans ces convulsions qu'autrefois les pitis sur le trépied subissaient devant le peuple de questionnaires religieux qui bourdonnaient sur le péristyle du temple. André perdit l'équilibre et, poussant un douloureux gémissement, tomba sur le sable comme s'il eût été foudroyé par le coup de tonnerre qui en ce moment déchira la voûte du ciel. Mais elle n'avait pas touché le sol que Gilbert, avec l'agilité et la vigueur du tigre, s'était élancé vers elle, l'avait saisie entre ses bras et, sans s'apercevoir qu'il eût un fardeau à soutenir, l'emportait dans la chambre qu'elle avait quittée pour obéir à l'appel de Balsamo et dans laquelle brûlait encore la bougie près du lit défait. Gilbert trouva toutes les portes ouvertes comme les avait laissées André. En entrant, il se heurta au sofa et y déposa tout naturellement la jeune fille froide et inanimée. Tout était devenu fièvre en lui au contact de ce corps inanimé. Ses nerfs étaient frémissants, son sang brûlait. Sa première idée, cependant, fut chaste et pure. Il fallait, avant toute chose, rappeler à la vie cette belle statue. Il chercha des yeux la carafe pour jeter quelques gouttes d'eau au visage d'André. Mais en ce moment, et comme sa main tremblante s'étendait vers le col élancé de l'aiguillère de cristal, il lui sembla qu'un pas ferme et léger à la fois faisait crier l'escalier de bois et de briques qui conduisait à la chambre d'André. Ce n'était point Nicole, puisque Nicole était enfuie avec M. de Beausire. Ce n'était point Balsamo, puisque Balsamo était parti au grand galop de Gerrid. Ce ne pouvait être qu'un étranger. Gilbert surpris serait chassé. André était pour lui comme ces reines d'Espagne qu'un sujet ne peut toucher même pour leur sauver la vie. Toutes ces idées, pareil à un tourbillon de grêle stridente, s'abattirent sur l'esprit de Gilbert en moins de temps que n'en mit ce pas fatal à se poser sur un autre degré. Ce pas qui allait se rapprochant, Gilbert n'en pouvait calculer l'éloignement précis, tant l'orage faisait en ce moment de bruit au ciel. Mais doué d'un sang-froid et d'une prudence supérieure, le jeune homme comprit que sa place n'était point là, et que l'important avant toute chose était de n'être point vu. Il souffla vite la bougie qui éclairait l'appartement d'André, et se jeta dans le cabinet qui servait de chambre à Nicole. Ainsi placé, à travers la porte vitrée de ce cabinet, il voyait à la fois et dans l'appartement d'André et dans l'antichambre. C'est dans cette antichambre que brûlait une veilleuse sur une petite console. Gilbert avait d'abord eu l'idée de la souffler comme la bougie, mais il n'en eut pas le temps. Le pas cria sur les carreaux du corridor, une respiration un peu oppressée se fit entendre, la forme d'un homme apparut sur le seuil, se glissa timidement dans l'antichambre et repoussa la porte qu'il ferma au verrou. Gilbert n'eut que le temps de se jeter dans le cabinet de Nicole et de tirer sur lui la porte vitrée. Gilbert retint son souffle, colla son visage aux vitres et écouta de toutes ses oreilles. L'orage grondait solennellement dans les nuées. De grosses gouttes de pluie battaient le vitrage de la fenêtre d'André et celui du corridor, où une fenêtre laissée ouverte grinçait sur ses gonds et de temps en temps, repoussée par le vent qui s'engouffrait dans le corridor, frappait avec un grand bruit sur son cadre. Mais le tumulte de la nature, mais les bruits extérieurs, si terribles qu'ils fussent, n'étaient rien pour Gilbert. Toute sa pensée, toute sa vie, toute son âme étaient concentrées dans son regard, et son regard était rivé à cet homme. Cet homme avait traversé l'antichambre, avait passé à deux pas de Gilbert, et sans hésitation était entré dans la chambre. Gilbert vit cet homme aller en tâtonnant au lit d'André, faire un geste de surprise en trouvant le lit désert, et presque aussitôt heurter du bras la bougie sur la table. La bougie tomba, et sur le marbre de la table, Gilbert entendit se briser la bobèche de cristal. Alors par deux fois l'homme appela d'une voix étouffée « Nicole, Nicole !»« Comment Nicole ?» se demanda Gilbert au fond de sa cachette. « Pourquoi cet homme, lorsqu'il devrait appeler André, appelle-t-il Nicole ?» Mais nulle voix n'ayant répondu à la sienne, cet homme ramassa le flambeau à terre et sur la pointe du pied, il alla l'allumer à la veilleuse de l'antichambre. Ce fut alors que Gilbert concentra toute son attention sur cet étrange et nocturne visiteur. Ce fut alors que ses yeux eussent percé un mur, tant il mettait d'active volonté à voir. Tout à coup Gilbert frissonna, et tout caché qu'il était, fit un pas en arrière. À la lueur des deux flammes se combinant, Gilbert frissonnant et à demi-mort de stupeur, Gilbert, dans cet homme qui tenait le flambeau à la main, venait de reconnaître le roi. Alors tout lui fut expliqué, la fuite de Nicole, cet argent compté entre elle et Beausire, et cette porte laissée ouverte, et tout Richelieu, et tout Tabernet, et toute cette mystérieuse et sinistre intrigue dont la jeune fille était le centre. Alors Gilbert comprit pourquoi le roi venait d'appeler Nicole, entremetteuse de ce crime, complaisant Judas qui avait vendu et livré sa maîtresse. Mais à la pensée de ce qu'était venu faire le roi dans cette chambre, à la pensée de ce qui allait se passer devant lui, le sang monta aux yeux de Gilbert et l'aveugla. Il eut envie de crier, mais la peur, ce sentiment irréfléchi, capricieux, irrésistible, la peur qu'il eut de cet homme, plein de prestige, que l'on appelait le roi de France, lié à la langue de Gilbert au fond de son gosier. Louis XV, cependant, était rentré dans la chambre, la bougie à la main. À peine y était-il, qu'il aperçut André en peignoir de mousseline blanche, dont la tête retombait sur le dossier du sofa, dont une jambe reposait sur le coussin, tandis que l'autre, raidie et déchaussée, retombait sur le tapis. Le roi sourit à cette vue. La bougie éclaira ce sourire lugubre, mais presque aussitôt un sourire presque aussi sinistre que le sourire royal vint illuminer le visage d'André. Louis XV murmura quelques mots, que Gilbert interpréta comme des mots d'amour, et posant son flambeau sur la table, jetant en se retournant un coup d'œil au ciel enflammé, il vint s'agenouiller devant la jeune fille dont il baisa la main. Gilbert essuya la sueur ruisselante sur son front. André ne bougea pas. Le roi, qui sentit cette main glacée, la prit dans la sienne pour la réchauffer, puis se pencha pour murmurer à son oreille quelques-unes de ces cajoleries amoureuses qu'on murmure à l'oreille des jeunes filles endormies. Dans ce moment, son visage se rapprocha d'André au point que le visage du roi effleura celui de la jeune fille. Gilbert se tâta et respira en sentant dans la poche de sa veste le manche d'un long couteau qui lui servait à émonder les charmilles du parc. Le visage était glacé comme la main. Le roi se releva. Ses yeux se portèrent sur ce pied nu d'André, blanc et petit comme celui de Cendrillon. Le roi le prit entre ses deux mains et tressaillit. Ce pied était froid comme celui d'une statue de marbre. Gilbert, que tant de beauté découverte à ses regards, Gilbert, que la luxure royale menaçait comme un vol fait à lui-même, Gilbert grinça des dents et ouvrit le couteau que jusque-là il avait tenu fermé. Mais déjà le roi avait abandonné le pied d'André, comme il avait fait de la main, comme il avait fait du visage, et surpris du sommeil de la jeune fille, sommeil qu'il avait attribué à une coquette pruderie, il cherchait à se rendre compte de ce froid mortel qui avait envahi les extrémités de ce beau corps, Il se demandait si réellement battait encore le cœur, quand mains, pieds et visage étaient si glacés. Il écarta donc le peignoir d'André, mit à nu sa poitrine virginale, et de sa main craintive et cynique à la fois, il interrogea donc le cœur muet sous cette chair glacée comme l'albâtre, dont elle avait la blanche et ferme rondeur. Gilbert se glissa à demi-heure de la porte, son couteau à la main, l'œil étincelant, les dents serrées, résolues. Si le roi continuait ses entreprises, à le poignarder et à se poignarder lui-même. Tout à coup, un effroyable coup de tonnerre fit trembler chaque meuble de la chambre et jusqu'au sofa devant lequel Louis XV était agenouillé. Un nouvel éclair violet et soufré jeta sur le visage d'André une flamme si livide et si vive que Louis XV, effrayé de cette pâleur, de cette immobilité et de ce silence, recula en murmurant « Mais en vérité, cette fille est morte !» Au même moment, l'idée d'avoir embrassé un cadavre fit courir un frisson dans les veines du roi. Il alla prendre la bougie, revint vers André en la regardant à la lumière de la flamme tremblante. Voyant ses lèvres violettes, ses yeux noyés de bistre, ses cheveux épars, il poussa un cri, laissa tomber son flambeau, chancela, et comme un homme ivre, il s'enfuit trébuchant dans l'antichambre, aux cloisons de laquelle il se heurta dans son épouvante. Puis on entendit son pas précipité dans l'escalier, puis sur le sable du jardin. Mais bientôt le vent qui tourbillonnait dans l'espace et tordait les arbres désolés emporta bruit et pas dans son orageuse et puissante haleine. Alors Gilbert, le couteau à la main, sortit muet et sombre de sa cachette. Il s'avança jusqu'au seuil de la chambre d'André et contempla, pendant quelques secondes, la belle jeune fille plongée dans un sommeil profond. Pendant ce temps, la bougie, couchée à terre, brûlait, renversée sur le tapis, éclairant le pied si délicat et la jambe si pure de cet adorable cadavre. Gilbert ferma lentement son couteau, tandis que son visage prenait insensiblement le caractère d'une inexorable résolution, après quoi il alla écouter à la porte par laquelle était sorti le roi. Il écouta plus d'une grande minute. Puis à son tour, comme le roi avait fait, il ferma la porte et poussa le verrou. Puis il souffla la veilleuse de l'antichambre. Puis, enfin, avec la même lenteur, avec le même feu sombre dans les yeux, il rentra dans la chambre d'André et mit le pied sur la bougie qui coulait à flot sur le parquet. Une obscurité subite éteignit le fatal sourire qui se dessinait sur ses lèvres. « André, André, murmura-t-il, je t'ai promis que la troisième fois que tu tomberais entre mes mains, tu ne m'échapperais pas comme les deux premières. André, André, au terrible roman que tu m'as accusé de faire, il faut une terrible fin. » Et les bras tendus, il marcha droit au sofa où André était étendu, toujours froide, immobile et privé de tout sentiment.